Et maintenant, ben, tiens, vu qu'on a terminé les nouvelles entrées, il y en a quoi, 5 en tout, on va aller voir ce qui nous a quittés. T'sais, leur dire au revoir un peu. Comme on dit, Palmer, rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. On a débuté avec Stéréozard et Kaleidoscope, qui a duré 7 semaines, mais qui ensuite a perdu sa forme bizarre, ou qui est retourné au mono, je pense, c'est peut-être... qui était en extinction, comme les dinosaures. Ouais, un de ces trois gags-là. Et ensuite, Viet Cong, qui est tombé au combat, avec Silhouette, qui a duré 7 semaines. Puis Elephant Stone et Knock You From Your Mountain, qui est tombé de son sommet, avec 9 semaines. Brave Shores a bravé vents et marées, pour, pour finir finalement couler. En dessous de la mer, dans World Beneath the Sea, qui a duré 8 semaines. Et King Gizzard and the Lizard Wizard, soit s'est fait mordre, ou bien a perdu sa couronne, ou encore s'est fait emballer, mis au frigidaire et oublié là, avec Cellophane, qui a duré 7 semaines. Voilà pour Palmer, rest in peace!